Morgane de toi, Superman, lover, voleur de cœur. T'es rentré dans ma vie comme un gentleman cambrioleur. Jamais à l'heure, toujours la bonne excuse. Je trouve que t'abuses, t'as la tchatch 24 carats pour toutes les torahs. T'as la clé de leur Clio, elles kiffent sur tes clips et tu leur allumes leur clope. Pas tes concerts ou leur main clap, mais je reste Morgane et les squads claquent de toi et ta clique avec ou sans fric. J't'ai toujours kiffé, je sais qu'on a dans le froc. D'ailleurs, quand je raconte à mes copines, ça les choque. J'suis Morgane de toi, même si tu ne le sais pas. J'suis Morgane de toi, même si tu ne me vois pas. J'suis Morgane de toi, même si t'es pas à moi. J'suis Morgane de toi, même quand tu me déçois. J'suis Morgane de toi, même si tu ne le sais pas. Même si tu ne me vois pas. Soit il me souille dans la soir. Excuse mamie, j'étais lisse, on m'a fait boire. Glou glou, plus d'un wawa, ça papaya. Mais mes propres potes me balancent, on se balance, qu'est-ce qu'il y a. C'est vrai que quand tu marches, tu balances tes atouts. Les cailles se transforment en toutou. Mais pas moi, je donne des styles, pas de coup de fil, moi non plus. Je téléphone pas en fin de compte, on se voit pas. Mais qu'est-ce que je pense à toi. Je suis mort, gagne, tu fais trembler tous mes ors. Gagne, même si la mort me gagne, au paradis, je veillerai sur toi. Ton ange gardien, fonce des hauts sky, chaud là-bas. Je suis comme Raleigh, ne m'en voulez. Pas. Je suis comme ça, la plus belle preuve d'amour. Tiens, brûle mon calepin. Est-ce que j'ai un double ou pas? Est-ce que je te double ou pas? À l'overdose pour toi, la steak gras. Je suis Morgane de toi, même si tu ne sais pas, même si tu ne me vois pas. Je suis Morgane de toi, je suis Morgane de toi, même si t'es pas à moi. Copine me bite pour me dire que t'es dans Voici. Sur une plage à poil, un string et une paire d'espadrilles. Sur la fille qui rit de tes histoires de gangster. Le coup du revolver, tu vas pas me la faire. N'écoute pas Léon, m'a dit qu'il a dit que t'as dit que j'ai un cœur de bandit avec mon verre de brandy. Que j'ai serré cette quinri, qu'elle me disait baby. Tes copines veulent toutes mes lapines. Notre amour, un cœur gonflé à l'hélium. S'envole haut, dès le soleil, je suis la lune. Faisons une éclipse, notre premier contact sera pas comme dans la boum. Un zizou dans un paquet de chips. Je suis Morgane de toi, même si maintenant t'es à moi. Jamais rien n'effacera les larmes qu'on coule. Et pour toi, nos ébats sous abat. Jour, la nuit, le jour, j'étais dans la peau mistou, hein. Encore un jour, ouais. Je suis Morgane de toi, même si tu ne sais pas. Même si tu ne vois pas. Libère-toi comme Madonna. Je suis Morgane de toi, Maradona, même Madonna, si tu ne sais pas. Même si tu ne sais pas.